temps. Live comme une carotte, t'es là tout content avec ton parrain de MD. Que tu vas te foutre dans le gosier. La chenade sur la ligne droite, t'as des centimes de misère. Comme d'hab, tu racontes que pour toi, c'est la galère. Mais t'as quand même ramené 50 euros pour te mettre la race bien comme il faut. Tu m'as déjà autour de toi. Y'en a pas mal qu'on est là chez nous. Entre celui qui fait l'hélico avec son sac et celle qui fait du bras en l'agadou. Les artistes qui passent, t'en connais aucun. Tu sais même pas comment s'appelle ce genre de son. T'es juste pour la coller avec les copains et gueuler hors course de la trappe, pauvre con. Ils vont rire, mais l'on bleu l'a compris. Accepter, tolérer, la bande qui prendra la gloire. Ramasse tes merdes par terre. Mon frère, mais l'on pleure.